suis venu chercher à Buyenzi et cela fait des heures d'attente et je ne sais pas si je vais en avoir. Nous sommes sur le fil d'attente. Cela fait à peu près 30 minutes. La ligne est longue. En avançant, peut-être qu'on va avoir de l'essence, mais pas comme ces derniers jours. Quand on va sur les stations, on nous dit tout simplement qu'il n'y a pas de carburant. Celui-ci indique que même s'il faut attendre pendant longtemps, il y a l'espoir d'avoir du carburant. On peut avoir du carburant même s'il y a beaucoup de véhicules, étant donné que tout se passe en ordre sur le fil d'attente. D'ailleurs, je pense que même hier, les gens sont en train d'avoir du carburant. Nous sommes arrivés vers 8h30 et nous ne savons pas pourquoi il y a cette pénurie du carburant. À côté de là où nous avons trouvé des longs fils d'attente, dans certaines stations où nous sommes passés, il n'y avait pas de carburant. C'est notamment la station Petrolem se trouvant en face du marché de la zone Buyenzi, communément appelée Mouvumera, et la station Kobil de la zone Giza où on nous a dit qu'il n'y a pas d'essence. Captez Isanganiro, écoutez la différence. L'attribution des plaques d'immatriculation des taxis vélos continue à mairie de Bujumbura. Certains des conducteurs de ces vélos qui n'ont pas encore acheté ces plaques par manque d'argent et une période de 15 jours leur a été accordée pour s'en procurer. Ce qui est sûr, c'est que ces conducteurs de vélos ne reçoivent pas de reçu attestant le paiement des 8000 francs pour chaque plaque. Mireille Kanyangé, tu t'es rendu au lieu de distribution de ces plaques et tu es avec moi au micro. Comment est la situation? Oui, effectivement, Léonce, le seul endroit qui vend les plaques d'immatriculation pour ses conducteurs de vélo est situé, c'est en mairie de Bujumbura, non loin du marché de Buyenzi di Ruvumera. Comme nous l'avons constaté à notre arrivée, ces conducteurs de vélo présentaient une somme de 8000 francs burundais pour achat de cette plaque sur laquelle est gravé le logo de la mairie de Bujumbura et le numéro inscrit sur le gilet de tout conducteur de taxi vélo. Ils présentaient également un bout de papier où est mentionné le nom du taxi à vélo, le nom de ce conducteur de taxi vélo, une somme déjà payée de 1000 francs ainsi qu'une carte de membre de la Sotavebu. Et la Sotavebu, c'est la solidarité des taxis vélos du Burundi en sigle. À partir d'une petite fenêtre, ils recevaient la plaque sans reçu attestant le paiement de cette somme d'argent. Tout près de cette petite fenêtre, il y avait 5 jeunes gens qui mettaient les plaques sur ces vélos, moyennant paiement de 1000 francs. Certains des conducteurs de ces vélos nous ont expliqué qu'ils n'ont pas encore acheté ces plaques par manque de moyens. Un délai de 15 jours leur a été accordé pour se procurer de ces plaques. Et sachez, Léonce, qu'en mairie de Bujumbura, on compte 10 000 conducteurs de taxis vélos et 25 000 au niveau national, comme l'a récemment déclaré le président de la Sotavebu. Merci Mireille. À 13h passées de 11 minutes à Bujumbura et sur Isanganiro, nous continuons avec ce journal. La pauvreté a été réduite de 2,5%, un chiffre légèrement atteint alors que les prévisions étaient de 37% de cette réduction à la fin de l'année 2015. Cela a été dit par le secrétaire permanent des réformes économiques et sociales à la deuxième vice-présidence de la République ce mardi lors de la validation du bilan de la mise en œuvre du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. Nimbona Léon a en outre ajouté que cette faible réduction de la pauvreté a été causée par la faible mobilisation des ressources. Suivez Léon Nimbona. Le CCRP2 avait des objectifs majeurs. D'abord, promouvoir la croissance. En second lieu, réduire la pauvreté. Ces deux objectifs ont été légèrement atteints dans la mesure où la croissance a été régulière à peu près 5%, tandis que la pauvreté a été réduite de 2,5%. Parce que, par exemple, pour la croissance, on avait prévu 8%. à fin 2015 et une réduction de la pauvreté de 37% pour cette même période, mais on est encore loin d'avoir atteint les résultats. La cause à cela est due essentiellement à la faible mobilisation des ressources. Les appuis extérieurs ont fortement baissé, bien que la reprise par les ressources intérieures n'a pas suffi pour relancer véritablement la croissance. D'abord, ce qu'il faut faire, évidemment, nous allons tirer les leçons du bilan qui vient d'être établi et essayer de proposer des mesures correctives pour aller de l'avant. Et c'est pour cela qu'on suggère que le Burundi puisse élaborer une nouvelle stratégie qui couvrira cette fois-ci 10 ans et en projetant qu'à cette période-là, le Burundi aura atteint le stade des pays émergents. Lancement officiel ce mardi des préparatifs de la 6e conférence annuelle sur la santé au sein de la communauté est-africaine qui est prévue à Bujumbura du 29 au 31 mars 2017. La ministre de la Santé publique et de lutte contre le sida dit que la conférence rassemble des chercheurs et experts dans l'optique d'encourager les recherches dans le secteur de la santé. Suivez plutôt Josiane Nijimbele, c'est la ministre de la Santé publique et de lutte contre le sida, propos recueillis par Alain Désiré Oukayeneze. Les États partenaires s'engagent en ce qui concerne la coopération dans le domaine de la santé et de la recherche, encourager les activités de recherche et de développement sur les médicaments et les plantes médicinales. La première conférence a eu lieu en mars 2007 à Kampala, en Ouganda. Le Burundi va donc abriter les assises de la 6e conférence annuelle scientifique sur la santé et une exhibition internationale des produits de la santé. Elle se tiendra dans la capitale du Burundi, Bujumbura, du 29 au 30 mars 2017 au centre de formation professionnelle de Bujumbura 6 à Kigobe. La conférence est pilotée par la commission de recherche en santé de la communauté est-africaine qui est une des institutions de la communauté est-africaine établie au Burundi et qui sera opérationnelle au mois de janvier 2017. Au niveau national, l'organisation de la conférence est pilotée par le ministère en charge de la santé, le ministère à la présidence en charge des affaires de la communauté est-africaine et le ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Un comité national de pilotage présidé par l'Institut national de santé publique INSP a été mis en place. Le thème général qui a été retenu, c'est préparation et lutte contre les maladies émergentes, les maladies épidémiques et pandémiques dans le contexte du changement climatique, de la mondialisation et des écarts observés dans les systèmes de santé. Des travaux de recherche en rapport avec le thème et également les sous-thèmes sont en préparation par les scientifiques et les chercheurs des pays partenaires et la date limite pour la transmission des résumés est fixée au 31 janvier 2017. Je vous le disais en titre, le médecin chef de district sanitaire de Kiremba, c'est dans la province d'Ngozi au nord du Burundi, demande l'affectation d'autres prestataires de services. L'annonce est faite après une paralysie presque des activités sur certains centres de santé. Une paralysie qui est causée par le manque d'infirmiers, qui tombent malades suite au surménage. Apollinaire Muzagara nous en dit plus. Le district sanitaire de Kiremba englobe trois communes, à savoir Kiremba, Tangara et Marangara, sur les 9 que compte la province Ngozi. Le district est habité pourtant par presque la moitié de la population totale de cette province, soit de plus de 300 000 habitants. Le médecin indique donc que le district sanitaire accuse un manque criant de prestataires de soins, d'où la nécessité de nouvelles affectations, notamment des infirmiers. Sur bon nombre de centres de santé, ils sont affectés trois prestataires de soins en cas de flambée de paludisme ou lors de périodes spéciales comme la période mère enfant. Deux de ces trois infirmiers tombent souvent malades à cause du ménage. Les activités sont alors paralysées durant quelques jours, d'où la nécessité de nouveaux éléments dans ce district, explique-t-il. Pour répondre aux normes du ministère, Dr Jean Bosco Nionzima annonce que son district est dans le besoin de 87 infirmiers. Difficile selon lui de les avoir tous, mais il souhaite que quelques unités pour compléter le peu de personnel existent Cela a été dit ce lundi lors d'une réunion d'évaluation des réalisations et de planification pour l'an 2017 en matière de santé en province Ngaoul. Lors de cette réunion, le constat était que le manque de moyens financiers et l'insuffisance du personnel soignant en quantité et en qualité sont les deux handicaps à l'exécution de toutes les activités prévues. Ngaouzi, Apone Muzagara, Radio Sangani. Merci Apollinaire. Un centre d'alphabétisation des femmes rurales a été ouvert sur la colline Mukoni, commune Muyinga, ce lundi. Pour le gouverneur de la province Muyinga, le gouvernement soutient cette initiative des sœurs missionnaires catholiques car le faible niveau des femmes constitue un handicap dans la compréhension de certains programmes du gouvernement comme celui de la limitation des naissances. Les détails avec Dieudonné Nzeyimana depuis Muyinga. C'est une femme de la colline Mukoni qui espère commencer des cours d'alphabétisation dans un centre de formation ouvert son lundi dans une communauté de serres de la mission. Nous sommes à Mukoni, commune et province Muyinga. Sœur Leokadi Nikumagenge, responsable de la communauté, annonce ici les grandes lignes de la formation qui sera dispensée en faveur des femmes rurales. Nous sommes une femme et un pilier de la famille. Nous voulons l'enseigner comment vivre dans sa famille, comment éduquer ses enfants, qui sait comment cultiver, qui sait comment faire la cuisine, qui sait faire un petit élevage. L'expérience acquise dans les communes de Gasogo et Gachoro, où des femmes ont eu droit à une telle formation, a montré qu'avec un niveau d'instruction renforcé, la femme rurale peut parvenir à l'autonomisation, d'après cet responsable d'une congrégation religieuse. Aline Manuel Wachwa, gouverneur de la province Muyinga, quant à elle, trouve que les femmes non instruites ont aussi des difficultés à comprendre certaines politiques du gouvernement, telles le planning familial. Quand nous sommes tentés de les sensibiliser. Les femmes disent que non, on va mettre le monde jusqu'à là. C'est pour cela que je suis arrivée ici, pour encourager ces sœurs, parce que dans les programmes, ils ont le programme de l'État aussi de limiter les naissances. Vous savez que ce centre qui va instruire les femmes rurales a été construit avec l'appui du Conseil des évêques de l'Italie et le gouvernement Bondé qui a offert une contribution en toll via les services de la présidence de la République du Burundi. De Muyinga, Dieudonné Nzeyimana pour la radio Isanganiro. La population est appelée à informer l'administration à temps si elle aperçoit un animal étranger dans leur localité au lieu de l'irriter ou de le tuer. L'appel est du directeur des forêts au Burundi. Gérard Ndoyezu intervient après que des gens aient tué un léopard samedi de la semaine dernière dans la commune Guiharo en province de l'Outana. Gérard Ndoyezu soutient que ce léopard devait être protégé. Suivez-le au micro de Placide Niomungere. Nous avons reçu des informations comme quoi il y aurait un léopard qui était dans la localité mais qui a été malheureusement tué. C'est un animal que nous n'avons pas donc l'habitude de voir dans cette localité. Et à ce moment-là, si l'animal se trouve dans une localité ou dans une réserve naturelle ou dans une forêt naturelle, donc il est censé être protégé. Il y a certaines informations qui disent que cet animal avait déjà blessé quelques habitants de la localité. Oui, effectivement, selon les informations que nous avons reçues, c'est que l'animal a été tué après avoir mordu quelques personnes. Et en ce moment-là, donc, comme la loi le précise, si un animal ou une autre chose, ou une biodiversité quelconque, risque de causer un danger public, on sait comment on peut le gérer. L'essentiel, c'est la communication. S'il y a un animal étranger qui se trouve dans une localité quelconque, l'essentiel, c'est d'avertir les services techniques concernés, comme le prévoit donc la loi. Et à ce moment-là, c'est à l'administration ayant en charge donc la gestion au quotidien de cette biodiversité qui en décide donc les modalités pratiques pour, par exemple pour la gestion de cet animal. La deuxième chose est que cette population ne peut pas déranger l'animal. L'animal peut développer un processus de défense et à ce moment-là, ils peuvent causer des dangers dans la localité. L'ombudsman burundais se dit prêt à rencontrer les politiciens en exil qui ne sont pas poursuivis par la justice. Il l'a confié à nos confrères de Bujumbura News en marge de sa visite en Belgique. Edouard Nduimana a indiqué qu'il était avec l'assistant du médiateur pour rencontrer les membres du Sénared, mais qu'ils n'ont pas réussi parce qu'ils venaient de récuser le médiateur. Cependant, il promet qu'il pourra les rencontrer quand ils le souhaiteront pour qu'eux aussi participent dans la recherche de solutions à la crise burundaise. Radio Isanganiro Chronique. Dans la chronique santé d'aujourd'hui, nous revenons sur l'insuffisance rénale, une maladie qui doit être traitée à temps pour éviter de graves complications selon le néphrologue Sylvain Pierre Nzeyimana. Les diabétiques et les hypertendus sont des plus exposés à l'insuffisance rénale. Francine Ndiokubgayo nous en dit plus.